Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Nachlemi alianul dele bominan blun wina cambio mion. Nachlemi alianul dele bominan blun wina cambio mion. Prenez. Misez. Misez. Donnez-moi les lunettes. Misechi chionumi. Misechi chionumi. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Mise crayon do wepoji. Mise crayon do wepoji. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Milile kofo boze ciseaux. Milile kofo boze ciseaux.